Bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, une nouvelle qui se nomme « 5 boucles de cheveux blonds ». Elle est écrite par Anthony Moore. Anthony Moore, sous le pseudonyme d'Edwin M. Clinton, auteur américain, né en 1926, on ne connaît de lui qu'un mince recueil de 6 nouvelles fantastiques et de science-fiction. Voilà, voilà. Et sa petite nouvelle est parue à l'anthologie du fantastique au printemps 1965 dans les éditions Opta. Voilà, voilà, je commence. Une petite musique de nuit qui ne doit rien à Mozart. Un chant plutôt. Voilà ce qu'entend James Randolph aux grandes heures de sa vie. Et cela l'émeut aux larmes, tout autant que certains cheveux d'or. Je désire que cette histoire paraisse dans les journaux car je la trouve importante. Peut-être pas pour la science, mais en tout cas pour ceux qui entendent s'adonner à la philosophie et pour tous les disciples de l'inexplicable. J'ai toujours considéré ces dernières comme des misérables, car ils s'amusent d'un public amateur d'histoire à sensation. Mais maintenant que j'ai, moi aussi, senti souffler le vent glacé de l'inconnu, je ne suis plus aussi affirmatif. Voici ce qui est arrivé. Je suis psychiatre. Et il y a longtemps que je travaille avec la police de San Francisco. J'ai vu trop d'horreurs. Et pour moi, la réalité est trop sinistre pour que je me laisse aller aux fantasmes de l'imagination. Voici ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Deux gardiens m'amenèrent dans un bureau. Un homme qui sanglotait et tremblait de tous ses membres. Ils le firent asseoir sur une chaise rembourrée en face de ma table. Un coup d'œil me suffit pour me faire une idée du personnage. Vêtements froissés, cheveux emmêlés, qui semblaient bien ne plus connaître l'usage du peigne depuis longtemps. Visage mangé par une barbe de plusieurs jours. Et mains sales, où la sueur avait laissé des traînées noirâtres. D'un signe, je congédiai les gardiens et ouvris mon carnet de notes. L'homme ne disait rien. La tête enfouie dans les mains, il sanglotait désespérément. Dès que les gardiens eurent quitté la pièce, je posai ma main sur son bras. « Allons, lui dis-je, doucement mais fermement, je désire vous aider. » Il me regarda de ses yeux rougis de larmes. Au bout de quelques instants, il laissa retomber ses mains sur ses genoux et appuya sa tête au dossier de la chaise. Quand il parla enfin, j'eus l'impression qu'il ressentait une lassitude infinie. « Pardonnez-moi, je suis désolée. » Je lui souris. « Je vous en prie, nous allons commencer par le début, par le tout premier début. On m'a dit que vous aviez raconté une histoire des plus étranges. Et je voudrais l'entendre pour pouvoir vous aider. » Il avala nerveusement sa salive. Ses yeux allèrent de mon bureau à la porte et revinrent vers moi. « Ne soyez pas inquiet, » dis-je au hasard. « Personne ne viendra nous déranger. » « Non, je ne suis pas inquiet. De toute façon, ils ne me croiront pas. Je vais tout vous raconter. Pourquoi pas ? Je vais mourir à cause de ça. » Je l'ai tué. Cet acte me fait horreur. Mais je devais le commettre. Il le fallait, il le fallait. Tout son corps tremblait. C'était un homme grand et robuste. Mais la force et la prestance qu'il avait pu posséder avaient maintenant disparu. Il s'humecta les lèvres et sembla retrouver quelque empire sur lui-même. Il recommença à parler, rapidement, nerveusement. « Mon nom. » Je suppose qu'il vaut mieux que je commence de cette manière. De nouveau, il avala sa salive avec difficulté. Je m'appelle James Randolph. J'ai 33 ans. Il y a encore 3 jours, j'étais mariée. Je n'ai pas d'enfant. Bien, dis-je pour le pousser à parler. « C'est très bien. » Je me disais en le regardant qu'il était difficile de voir en lui un meurtrier. « Continuez, » repris-je. Il eut un rapide hochement de tête avant de se remettre à parler. « Je suis un homme d'affaires, ou du moins est-ce ainsi qu'on pourrait me cataloguer. Je fais partie du conseil d'administration de l'usine de mon père, mais j'ai un tempérament d'artiste. J'ai toujours été nerveux et extrêmement sensible. La première chose dont je me souvienne, quand je pense à mon enfance, c'est des démonstrations de ma gouvernante pour ma trop grande impétuosité, pour ma nervosité et la vivacité de mes réactions quand on me faisait quelques remarques. Il m'arrivait de haïr ceux qui vivaient autour de moi. C'étaient des imbéciles, des bellâtres, tous ceux-là qui plaisaient tant à ma famille. Et la manière grossière dont ils avaient coutume de se moquer de moi me rendait enragée. Il eut un rire méprisant. Finalement, ce sont eux qui ont perdu. Vous voulez dire, repris-je pour revenir au sujet, vous voulez dire que vous êtes peintre ? Il secoua la tête et de nouveau humecta ses lèvres sèches. Je lui remplis un verre d'eau à la carafe qui se trouvait sur mon bureau et le lui tendis. Il but avidement, la main droite crispée sur le verre, tandis que de la gauche, il essuyait la sueur de son front. « Merci, » dit-il enfin, « merci. J'ai l'impression d'être complètement desséché à l'intérieur. La peinture ? Non, la poésie. J'écris des poèmes. Peut-être avez-vous lu quelques recueils. On en a édité plusieurs. » Je sursautais. Il ne m'était pas venu à l'idée que c'était là ce même James Randolph qui s'était attiré les louanges des critiques et la faveur du grand public avec la publication de ses deux recueils de poèmes à l'état envoûtant. « Qu'il est doux d'être au soleil » et « Mes rêves ne sont pas d'ici ». Mais c'était donc cet homme-là, un meurtrier ? Vous êtes surpris, évidemment, c'est normal. « Mes rêves ne sont pas d'ici ». Est-ce que vous l'avez lu ? Vous devriez. C'est mon histoire. Oui, cette même histoire que je suis en train de vous raconter. Avez-vous jamais fait un rêve ? Je veux dire, avez-vous jamais eu une vision idéale ? Quelque chose que vous avez poursuivi pendant toute votre vie ? Cela nous arrive à tous. Il avala encore un peu d'eau. « Je ne sais plus où j'en suis. Excusez-moi, docteur. Oui, où en étais-je donc ? Ah oui, ma nervosité. Eh bien, on en faisait des gorges chaudes. C'est pourquoi je ne leur ai jamais parlé de mes visitations. » Je me penchai un peu plus en avant. « C'est maintenant que vous allez me croire fou. Ne vous en privez pas, je vous en prie. » Peut-être bien que je le suis d'ailleurs. Tout cela sera terminé quand ils m'auront tué, Dieu merci. Un violent frisson le secoua. J'avais 15 ans. 15 ans est un âge merveilleux, docteur. C'est l'âge de la force et des émerveillements. Un âge resplendissant encore de tous les rêves d'enfance qui mourront quelques années plus tard, ne laissant que cette coquille vide qu'on appelle un homme. 15 ans, docteur. La veille, on était encore un enfant, et le lendemain, on se retrouve adulte. Le monde vibre de connaissances nouvelles, d'impressions nouvelles, d'espoirs nouveaux et de désirs aussi. Soudain, on s'aperçoit qu'on est quelque chose d'unique, un individu. On réalise qu'on est un homme, pas une femme, et que la femme est beaucoup plus qu'un spécimen d'humanité différent. C'est bouleversant. On commence alors à regarder, à admirer, et le monde entier s'offre à vous. Mes premiers contacts avec le monde, docteur, vous souvenez-vous des vôtres ? Est-ce que vous êtes de famille riche ? Pardonnez-moi, je ne voudrais pas vous blesser. Moi, voyez-vous, je sortais d'une famille riche. Vous avez de la chance. On avait organisé pour moi une rencontre avec une jeune fille dont le caractère superficiel me révoltait. Je l'ai détestée. À ce souvenir, il frissonna de nouveau. « Toute ma vie, reprit-il, j'ai haï les gens. Beaucoup trop, j'en ai peur. mais ce n'est pas moi qui ai choisi qu'il en soit ainsi. C'était une très grande soirée quand j'y repense, mais pour moi ce fut un enfer. Et quand je me retrouvais enfin seule dans ma chambre, je me mis à pleurer désespérément. Pour la première fois, je voyais clairement la vie que ma famille envisageait pour moi. Ah, la jeunesse ! De nouveau un sourire cynique et plein d'amers regrets, plein de dédain aussi flotta sur ses lèvres. Je venais de ressentir pour la première fois ce désir qui ne devait jamais me quitter, de mettre en mots, en phrases, ce que je pensais. À 15 ans, j'écrivais des poèmes. Et comment aurais-je pu me douter alors que ce paganisme morbide, inhérent à l'adolescence, préfigurait déjà toute ma vie. Il s'arrêta. Sa respiration était haletante et ses yeux brillèrent soudain d'une lumière dont le doux éclat semblait démentir son aspect misérable et son attitude prostrée. « Quant à ce que j'écrivais alors, continua-t-il, c'était, je crois, assez bon pour un enfant de 15 ans, élevé dans une de ces familles dont l'ignorance se cache sous un langage pompeux et dogmatique. Une de ces familles à l'esprit étroit dont les limites étaient jalonnées par les noms du bottin mondain. C'est eux qui m'ont appris à me révolter contre le cadre de vie qu'ils m'imposaient. Car je haïssais tout cela, et je les haïssais, eux, pour me l'avoir imposé. Je ne dois rien à ma mère, encore moins à mon père. Si je n'avais pas vécu comme ils ont voulu que je le fasse, j'aurais pu. Mais tout cela ne sert à rien. Donc, j'étais assis sur le bord de mon lit, la tête dans mes mains, je m'en souviens aussi clairement que si cela venait d'arriver. La pièce était sombre. Il n'y avait que la faible lueur de ma lampe de chevet. Le store de ma fenêtre était levé et la lune était pleine, mais sa lumière était obscurcie par un de ces brouillards épais qui absorbent tout rayonnement et étouffent San Francisco pendant les nuits d'été. Certes, pour le jeune homme nerveux à l'imagination fertile que j'étais, les coins d'ombre de la pièce, au-delà du cercle lumineux de la lampe, semblaient recéler d'inexprimables horreurs. Soudain, je perçus quelque chose. Tout d'abord, je ne sus pas ce que c'était, mais je réalisais que c'était un bruit, et à ce qu'il me semblait un bruit musical. Lentement, je me redressais et fouillais la pièce des yeux. En proie à l'une de ces terreurs dégradantes qui s'emparent complètement de l'esprit des jeunes gens. Mon cœur battait la chamade et je tremblais de la tête aux pieds. Lentement, le son s'amplifia jusqu'à ce qu'aucun doute ne pût subsister. C'était une voix humaine, un chant. C'était la voix... Excuse. C'était la voix d'une petite fille. Les mains de Randolph se serraient si fortement sur le verre que ses phalanges en étaient blanches. Les yeux semblaient vouloir lui sortir des orbites et son expression tragique était celle d'un homme égaré. Je me penchai en avant et lui touchai le bras. Encore un peu d'eau. Il hocha la tête et je lui remplis son verre. Il but avec une insatisfaction. Non, c'est une satisfaction. Merde. Il but avec une satisfaction évidente. Une petite fille. Encore ce rire bref, amer et cynique. J'étais paralysée de terreur. Je parvins à me lever et arrivai en titubant jusqu'à la fenêtre. Je regardais dehors pour voir s'il y avait quelqu'un. Le clair de lune était assez intense et je vis qu'il n'y avait personne. Je courus à la porte, l'ouvris et regardai dans le hall obscur. Là non plus, il n'y avait personne. J'entendais des rires et des bruits de verre, car en bas, pour les adultes, la soirée continuait. Je claquai la porte et m'appuyai contre le battant, tremblant de peur. La voix était dans la chambre, je vous le dis. C'est alors que je vis quelque chose, en l'air, au centre de la pièce. C'était un point lumineux qui semblait tourner sur lui-même. Il se mit à grossir, comme entouré d'une spirale. Son rayonnement emplissait la chambre tout entière. Je me demande comment je n'ai pas crié, comment je ne me suis pas évanouie, tant j'étais terrorisée. Le point lumineux grossissait de plus en plus, et la voix continuait de retentir. À l'intérieur de la sphère lumineuse, je vis une petite fille blonde aux yeux bleus qui dansait toute seule sur un chemin dans une forêt très verte, baignée de clarté. Et elle chantait. Graduellement, la scène s'agrandissait, elle emplissait la pièce. Elle était à la mesure de la vie. Une petite fille de 10 ans, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, qui dansait et chantait pour elle toute seule. Soudain, elle me vit et s'arrêta de chanter. Son regard s'assombrit et son doux sourire d'enfant se chargea de tristesse. Elle me fit signe et, effrayée, je me recroquevillai contre la porte. De nouveau, elle me fit signe, de manière plus insistante. Et tremblant de tous mes membres, je m'avançais vers elle. J'étais fascinée. J'étais sous l'emprise d'une insatiable curiosité. Tout cela était trop irréel, trop impossible. Mais tout compte fait, ce n'était pas effrayant. Non, pas effrayant du tout. J'étendis la main et je la touchai. Ce fut comme si mes doigts étaient entrés en contact avec un courant électrique. Mais ce n'était pas désagréable. Cela m'avait secouée, mais sans que ce soit aucunement douloureux. Quelque chose vibrait en moi, quelque chose qui ne devait plus jamais me quitter. La lumière qui l'entourait était tellement intense que mes bras en furent baignés. Quand je l'étendis vers elle, je posai la main sur la couronne d'or de ses cheveux. Alors, le sourire revint sur ses lèvres, et elle recommença à danser et à chanter. Puis, elle s'éloigna. J'essayais de la retenir, mais la lumière s'amenuisa, et avant que j'aie pu m'en rendre compte, elle était partie. Le chant et le bruit des petits pieds frappant le sol furent encore perceptibles quelques instants, avant de disparaître complètement à leur tour. J'étais toujours debout au milieu de la pièce, chancelant et le cœur battant. Dans mes doigts serrés, il y avait une petite boucle de cheveux d'or. Randolph regarda sa main, l'ouvrit. Elle était raide et elle tremblait. Il la tint devant ses yeux quelques instants. Puis lentement, son regard se posa sur moi. Il eut un bref sourire et but un peu d'eau. C'était la première fois, dit-il. Je le regardais pensivement. Qu'il fût victime d'hallucinations était évident. Mais il me fallait savoir si c'était vraiment une affection pathologique qui durait depuis cette époque et si c'était elle qui l'avait enfin menée au crime. Je lui fis signe de continuer. Il resta pendant quelques instants les mâchoires serrées, puis recommença à parler. Je ne racontais cela à personne, car j'avais peur, tellement peur de les entendre se moquer de moi, comme ils le faisaient toujours. Mais j'avais gardé la boucle de cheveux blonds, et je la contemplais à longueur de nuit. Je la regardais dans la lumière, je la caressais, et pendant tout ce temps, je ne cessais de réfléchir et d'essayer de comprendre quel prodigieux mystère j'avais vu, et palpé du doigt. Les années passèrent. L'événement fut submergé par tous les détails futiles qui grignotaient alors ma vie. Mon avenir fut organisé par ma famille. On regardait d'un œil désapprobateur mes tendances libérales. On m'orienta donc avec fermeté et on me trouva une place dans l'usine de mon père. C'est eux également qui m'ont choisi une femme. Fort bon choix d'ailleurs, du moins je le pense. Elle était très belle, de bonne famille, avait de la culture, des relations. Elle avait tout ce qu'un homme ordinaire pouvait souhaiter. Seulement, ajouta-t-il avec un sourire amer, Seulement voilà, moi, je n'étais pas un homme ordinaire. Je voulais aussi l'amour. Et je voulais quelqu'un avec qui parler. Quelqu'un qui saurait m'écouter et pourrait me comprendre. Cependant, je fis ma demande en temps voulu et je fus acceptée tout naturellement. J'avais 23 ans, elle 18. Qu'aurais-je pu faire d'autre ? Je n'aurais pas su me débrouiller seule. Quitter ma famille, c'était tout perdre. Argent, avenir et tout ce que j'étais en droit d'espérer de la vie. J'étais parvenue à me leurrer et à penser que je serais heureux avec Caroline en menant cette vie que mon père avait choisie pour moi. Heureux dans ce monde étroit et stupide dans lequel j'avais été élevée. Tous les désirs de mes jeunes années, j'en avais fait des poèmes. Et la vision de la petite fille blonde, je ne la considérais plus désormais que comme un de ces rêves bouillonnants où s'éveille la sensualité, mais je n'avais pas oublié. C'était le soir de notre mariage. La cérémonie devait avoir lieu dans la fastueuse villa de la famille de Caroline à Nob Hill, à 8h du soir. Puis, nous devions partir en voyage de noces en Europe. J'étais très heureux, ou du moins je pensais l'être. Et je sifflais gaiement tout en m'habillant pour la cérémonie. Je m'en souviens très nettement. J'étais debout devant un haut miroir, en train de nouer ma cravate et de veiller aux derniers détails. Je me brossais les cheveux quand, tout à coup, quelque chose m'arrêta. Je me souviens que j'ai posé la brosse et que j'ai un peu tourné la tête. C'était tout mon passé qui ressurgissait d'un seul coup. Une voix qui chantait, qui fredonnait un air. Je sortis de la salle de bain pour rentrer dans mon bureau. La pièce était obscure. Seule la lumière venant de la salle de bain y dessinait un rectangle obscur. Ah bah non, un rectangle de clarté. Si je lis la ligne au-dessus. Il est écrit petit. Oh là là là là là là là là. Merci. Alors, la pièce était obscure. Voilà, ça j'en étais là. Seule la lumière venant de la salle de bain y dessinait un rectangle de clarté. C'était de cette pièce que provenait la voix. Je restais pétrifiée, n'en pouvant croire mes oreilles. Et de nouveau apparut le point lumineux. On aurait cru que le passé recommençait. Je me souvenais parfaitement bien de cette autre fois. Le point se mit à tournoyer en rayonnant et devint une sorte de spirale, tandis que la voix douce chantonnait tendrement. Une voix de femme, docteur, douce et tendre. Pas une voix de petite fille. Alors, dans la sphère lumineuse qui tournait toujours, j'ai vu une jeune fille blonde. Ce n'était plus une enfant, c'était une femme. La plus belle femme que j'ai jamais vue. Elle avait des yeux de saphir, pâles et transparents. Des mains aussi blanches que le marbre. Ses cheveux étaient une seule coulée d'or pur. Elle était à genoux sur l'herbe au bord de ce sentier où, petite fille blonde, elle avait dansé. Il y avait de cela 8 années. Elle leva les yeux, me vit et s'arrêta de chanter. Cette fois, il n'y eut pas de nuages pour assombrir son regard. Ce fut la joie qui fit rayonner son visage et elle me sourit. Et ce sourire me poignit le cœur. Elle se mit à rire et me fit signe d'avancer. Je ne pus qu'obéir. Je m'avançais vers le cercle de lumière, vers cette délicieuse vision dorée. Quand je fus dans le plein rayonnement de la lumière, je tendis les bras vers elle et elle mit sa main dans la mienne. Grand Dieu, c'était une main réelle, matérielle, ce n'était pas un rêve. Je frémis à son contact. Le courant électrique me parcourut de nouveau. Je m'agenouillais sur de l'herbe qui s'enfonça un peu sous mon doigt. Du moins, en eus-je l'impression. Je la pris dans mes bras. C'était une flamme vivante contre ma poitrine. Il y eut un bruit de pas dans le couloir. Ses yeux se remplirent de terreur. Je bondis. La vision s'amenuisa en un dernier tourbillon et il n'y eut plus rien. Quelqu'un frappait avec insistance à la porte. C'était mon garçon d'honneur qui venait me dire de me dépêcher. Dans ma main, comme la première fois, j'avais une boucle de cheveux blonds. Je la mis dans ma poche et en même temps, je ressentis un vide atroce. Cette impression devait détruire à jamais toute possibilité de bonheur dans mon ménage. C'est à ce moment-là aussi que je perçus pour la première fois l'horreur de ce qu'allait être ma vie, quelque chose de superficiel et d'incomplet. Randolph releva la tête, qui l'avait tenue penchée tandis qu'il parlait, et regarda droit devant lui d'un air pensif. Quand enfin il se tourna vers moi, il y avait sur son visage l'esquisse d'un sourire. C'est à partir de ce moment-là, reprit-il, que j'ai commencé à haïr ma femme. Et cela n'a jamais cessé. Je l'ai haïe parce qu'il me fallait l'épouser. Je l'ai haïe parce que j'avais vu et touché une réalité que j'avais cherché à atteindre dans mes poèmes et que je devais continuer à poursuivre toute ma vie. J'ai haï l'existence, oui, c'est vrai. J'ai haï ce monde qui était le mien et mon argent et le genre de vie qu'il me fallait mener. Ce qu'était cette vision, il m'était impossible de le savoir. Mais elle était réelle, j'en étais sûre. Et qu'est-ce que la réalité, après tout ? Je savais qu'il y avait là une réponse pour moi, car je n'oublierai jamais l'extase du moment où je l'avais tenue dans mes bras, ni le parfum de ses cheveux d'or. Quand je pouvais être seule et écrire, j'étais heureux quelques instants. Mais Caroline haïssait ma poésie. Elle disait que c'était une perte de temps. Et moi, je la haïssais, elle qui n'était qu'insatiable avidité. Je la haïssais, je la haïssais, je l'ai toujours haïe, toujours. Il pressa son visage dans ses mains. Qu'elle soit maudite, maintenant qu'elle n'est plus, qui se souvient d'elle? Qui la regrette? Pas moi, certes, pas moi. Et à quoi cela l'a-t-il menée? C'est cela qui a détruit ma vie, et cela, c'est cela qui l'a tuée. C'est tout, qu'y a-t-il d'autre à dire? Il se redressa avec effort. Ce ne fut pas la dernière visitation, non, pas la dernière. Je crois que je suis par nature assez lâche. J'ai par deux fois cherché la porte de sortie la plus facile. Et cette fois, j'ai réussi. Une fois déjà, j'avais essayé et j'avais échoué. C'était une tentative de pleutre. Oh non, je n'ai pas essayé de la tuer, elle. Je venais juste de terminer qu'il est doux d'être au soleil. Le contrat en était rédigé, le manuscrit corrigé. Il faisait nuit. Le brouillard pesait sur la cité, criblant les vitres de petites gouttes de rosée. Tandis que de larges écharpes de brume balayaient les rues sous les fenêtres de mon bureau, j'aime le brouillard. J'avais éteint toutes les lumières de ma chambre et debout devant la fenêtre, je regardais la rue et les lumières estompées de la cité jusqu'au-delà des collines. Pour la première fois, je me sentais au bout de mon rouleau. Les choses allaient de mal en pis, tant et si bien que j'avais trouvé assez de courage pour demander à Caroline de divorcer. Mais elle, la garce, m'avait ri au nez. Et cette nuit-là, je me sentais particulièrement triste, en proie à des sentiments morbides. Quand le chant s'éleva, je le reconnus immédiatement. Cette fois, je n'eus pas peur. Je me sentis même plein d'ardeur. Je tournai le dos à la fenêtre et fouillai des yeux l'obscurité de la pièce pour y découvrir le point lumineux et je le trouvai. C'est avec une émotion intense que j'attendis la troisième manifestation de la vision. Réalité ? Oui, je le crois. Pas vous, docteur ? C'est normal, vous êtes psychiatre. Et il vous faut avoir l'esprit critique. Je ne vous en blâme pas. Mais vous savez, moi, je suis absolument sûre. Il sourit. Le point lumineux se mit à grossir. Et ce fut la même scène, le sentier, l'herbe, les arbres brillants au soleil et d'une exquise fraîcheur. Et la jeune fille, elle était à genoux dans l'herbe comme les autres fois et elle me regardait bien en face. Quand la vision devint claire, elle me sourit doucement et ses yeux étaient pleins d'espoir quand elle parla. « Jimmy, » dit-elle, « oh, Jimmy, je me sens si seule, je vous en prie, venez, passez de ce côté. » « Venir, je le voudrais tant, mais je ne peux pas. Si vous le pouvez, de nouveau ce sourire comme un appel. Comment ?» Je me rapprochais. « Dites-moi comment ?» Son visage s'assombrit. « Comment ? Pourquoi ? Venez, c'est tout. » Je pénétrais dans le cercle de lumière, j'y entrais. « Vous voyez ? » s'écria-t-elle. « Vous voyez bien, c'est si facile. » Elle tendit les mains vers moi, je les touchai. Soudain, son sourire s'éteignit. « Vous ne me croyez pas, Jimmy. Vous n'avez pas la foi. Alors, vous ne pouvez pas passer. Comment faire pour croire ? Qui êtes-vous ? Où êtes-vous ? » De nouveau, elle fronça les sourcils d'un air perplexe. « Oh, Jimmy, vous ne savez donc pas, alors ?» Elle avait l'air triste. Il y eut un brusque mouvement d'air. La lumière s'amenuisa, le triste visage s'estompa dans la brume. Je tendis les bras. Elle était partie. Dans ma main, il y avait une boucle de cheveux blonds. « je sais, je crois, » criai-je. « Mais elle était partie. » Alors j'y renonçai. Dans une sorte de folie, je pris mon revolver et en pressai le canon contre ma tempe. J'allais me tuer. Quand mon valet, qui avait entendu mon cri, se précipita dans la pièce et m'en empêcha. Plutôt ciel qu'il ne l'eût pas fait. Ah, je voudrais tant avoir réussi. J'observais cet homme aux cheveux en broussailles, aux yeux brûlés de larmes, et je regardais ses mains s'agiter, se tordre, tandis que ses yeux restaient rivés au plancher. Certes, on ne pouvait guère trouver plus clair et plus détaillé en fait d'hallucination. Mais c'en était bien une. Il le fallait. Ce ne pouvait être là que le rêve d'un fou. Pourtant, quand il parlait, ce n'était pas le langage d'un fou, mais celui d'un homme douloureusement blessé qui cherchait à déverser le trop-plein de son cœur. « Mais Randolph, dis-je, quel rapport cela a-t-il avec ce que vous avez fait ?»« Quel rapport ?» Il eut un grand rire. « Oh, maudite soit Caroline, maudite soit-elle, car si elle m'avait laissé tranquille, elle serait vivante, et moi je serais heureux. Mais non, il fallait qu'elle fasse ce qu'elle voulait, elle. Envieuse, obstinée comme elle l'était, il fallait qu'elle sache tout ce qu'elle n'aurait pas dû savoir, qu'elle regarde partout où elle n'aurait pas dû regarder. Je ne regrette pas de l'avoir tuée. Je ne regrette pas de l'avoir tuée. » Il continuait à répéter la phrase d'une voix sourde, pleine d'amère rancœur, de haine et de menaces. Il releva la tête. La nuit, il y a donc 4 nuits de cela, la vision revint, plus faible cette fois, et la jeune fille pleurait. Cela me faisait mal de la voir pleurer. « Je vous en prie, Jimmy, » disait-elle, « est-ce que vous ne pouvez pas venir ? Il le faut, c'est écrit. C'est peut-être la dernière fois que je peux venir. Ce chemin va me faire défaut, Jimmy. » Et je répondis en souriant, « Mon amour, j'ai la foi. Dieu soit loué, vous êtes venu. Cela fait si longtemps que je vous attends, si longtemps. Je viens. » J'entrai dans le cercle de lumière et tendis les bras vers elle. Les larmes semblèrent s'effacer de ses yeux. Quand je la pris dans mes bras, je sentis alors le monde entier basculer derrière moi et c'est le monde de la vision qui devint réalité. C'est alors que j'entendis la voix de Caroline. « James, que faites-vous donc ? Qu'est-ce qui se passe, James ?»« Oh, Jimmy !» murmura dans un souffle la blonde vision, les yeux remplis d'horreur. Je fus alors brutalement rejetée dans la réalité et la vision disparut. Je chancelais. J'étais ivre de rage, dit Randolph en frissonnant. « C'est alors que je l'ai tué, l'en criai. J'en ai frappé Caroline sur la tête plus de 12 fois. En même temps, je hurlais que je la haïssais, puis je me suis enfouie. Je suis restée cachée 3 jours jusqu'à ce que la police me trouve. Il releva la tête et eut un sourire de soulagement. « C'est tout, docteur, c'est tout. » Il fronça les sourcils et plongea la main dans sa poche. « C'est tout, excepté ceci. » Il avait entre les doigts quelque chose qu'il me tendit. C'était une boucle de cheveux blonds. J'ai appelé les gardiens et leur ai dit de l'emmener. J'ai passé l'après-midi à lire et à relire les notes que j'avais rédigées. Il était fou. Toutes les lois scientifiques, toutes mes connaissances et toute mon expérience me le criaient. Cette boucle de cheveux blonds, il aurait bien pu la trouver n'importe où et son esprit dérangé l'aurait poussé à cet acte. Il était fou. Cette histoire ne figurait pas dans le rapport que je rédigeais. Elle parut dans les journaux du lendemain. Nous nous vantons de ce que nous savons, et cependant c'est si peu de choses. L'inconnu est là, à l'affût, à peine hors de portée de nos mains tendues. Peut-être pourrions-nous apprendre beaucoup si nous acceptions d'écouter les autres. Ce n'était pas un cas pour les matérialistes. Après que Randolph eut quitté la pièce, j'appelai la police. « Tim, avez-vous trouvé quelque chose d'extraordinaire dans les affaires de Randolph ?»« Extraordinaire ? Mon Dieu, non. Ah si, attendez voir. Il y avait une petite boîte à bijoux dans son bureau et on y a trouvé quelque chose de bizarre. 3 boucles de cheveux blonds. » Il me faut encore ajouter ceci. Les gardiens de la prison locale furent appelés cette nuit-là par un pensionnaire qui criait qu'il avait vu une lumière blanche sortir de la cellule de Randolph et qu'il avait entendu une voix de femme, tandis que Randolph répétait « Mon amour, mon amour !» Quand les gardiens accoururent, il y eut un cri et une sorte de râle gargouillant. Ils ouvrirent la porte à toute volée et se précipitèrent à l'intérieur. Randolph gisait recroquevillé sur le sol, dans une mare de sang, la tête écrasée contre le mur de la cellule, tout éclaboussé de sang. Il était mort, on ne peut plus mort. Son visage avait une expression tragique et ruisselait de larmes. Dans sa main, il serrait étroitement une boucle de magnifiques cheveux blonds. Eh bien, voilà, voilà. Une histoire de fantôme, une histoire d'amour. Allez savoir. Eh bien, je vais vous laisser avec une jolie musique et vous passerez une excellente semaine sur Radio Gémozo 107 FM. Voilà, voilà.